C'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Yann Martel du service aux étudiants. On jase sport avec Vincent Gauthier et on part en cavale avec Kiwan à assemblage requis. Bonjour à vous, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 10 novembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Bonjour, François. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, gros mercredi cette semaine. C'est rare que ça arrive, les gros mercredis, je trouve. Ouais, c'est ça, exactement. D'habitude, c'est les gros mardis et les gros jeudis. Les moyens lundis. Ouais, les lundis, ouais. On start ça mollo. On donne une chance aussi à l'auditeur. Là. C'est ça, l'auditeur moyen, notre auditeur type, nos petits rats de laboratoire. Vous autres, nos petits requins. Ah, nos petits requins. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on reçoit Yann Martel du service aux étudiants qui va venir nous parler de la journée carrière en enseignement. Ouais, c'est intéressant, ça, le SAE. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. SAE qui est soit dit en passant, nos commanditaires. Partenaire. Main dans la main. Tout à fait. Voilà. On va parler de sport avec Vincent Gauthier du Journal de Québec. Oui, exactement, qui va nous parler, je pense, de football cette semaine. Ah! La Ligue canadienne de football et, je pense, la NFL aussi. On se lance dans les sports, nous autres, pour deux. En tout cas, moi, personnellement, les sports, je ne connais pas du tout. Ouais, je sais pas si Mathieu va interagir un peu, on verra. Ça va être plus toi, je pense. Ben, en même temps, football, je suis pas un grand expert, mais bref. Je vais parler de Dallo puis de... Je pense que ça va être bien expliqué. Coup de circuit dans le tour du chapeau. On va aussi on va partir en cavale avec Kiwan, notre collaborateur outre-province, qui est en Alberta. On va le recevoir vers les 8h aujourd'hui. De quoi il va nous parler, ça, j'en ai aucune idée. Hein? Moi non plus. Des fois, il va voir des spectacles. Des fois, il me dit qu'il va juste, nous appeler pour faire la conversation, pour jaser un peu avec nous. Jaser. Oui, jaser. Aime ça, jaser, Kiwan, ça paraît. C'est correct. Bon, ça paraît pas vraiment, en fait. Chronique, c'est un fait aussi avec des choses à dire. Peut-être, si vous allez vous-même en cavale outre-province, il faut avoir des choses à dire à votre compagnon, compagnonne de camion. Si vous voyagez avec du monde. Ouais, c'est ça, si vous voyagez avec du monde. Et en camion. On imagine bien des choses à votre sujet, mais c'est un peu n'importe quoi. Bref, c'est le plan pour l'émission d'aujourd'hui. C'est chargé. On est ensemble jusqu'à 9h. On va commencer l'émission en anglo-vision, comme diraient les batteries hurlantes. En anglo-vision. On écoute Follow Flash, voici The Awakening. Tu connais ça, les batteries hurlantes, c'est en francocolore et en anglo-vision. Mais vois-tu, j'avais jamais porté attention parce que. Ouais, c'est pas vrai. Ils sont forts, les batteries hurlantes. Ah, ils sont très forts. Très bonne lundi. Émission. Lundi, 16h. En rediffusion aussi. Rediffusion mercredi et tantôt. Tantôt. À 13h. Quel hasard. Incroyable. La vie est bien faite. Ah ouais. Mais avec assemblage requis, tu sais, puis c'est fou, tu bâtis ta journée avec des matériaux qualité. Your rest, your fears, is part of you. que tu veux. Depuis le temps que j'ai pas, ferme les yeux. Prêt, pas prêt, on y va. Le chemin du rêve selon les règles de l'art. J'ai bien peur qu'il ne mène plus nulle part. Courtiser le ciel sans avoir un rond. Les rêves en étoiles criblés de plomb. Sur la mauvaise track, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passage et clandestin pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du Nord. Buffalo Bill, Billy the Kid, on est Bonnie and Clyde. Pas besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui paraît qui pourrait à nos frais. Quelqu'un hypothétiquement disposé à en discuter. Mauvaise track de JP Dalpé à Assemblage Requis sur C'est Fou 89.fm. François Olivier adore cette pièce-là. Hein? Oui, très bonne pièce. Oui, excellente. Très bonne pièce. Ça faisait un petit bout qu'on l'a pas fait jouer ici à Assemblage Requis. Pendant un bout, on la faisait jouer pas mal à tous les jours. Ouais, exactement. Il y a des comme Final Flash aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ben, c'est un beau petit bloc qui nous rappelait des beaux souvenirs. Ouais. Mais Final Flash, c'était pas cette pièce-là qu'on faisait jouer tout le temps. Non, mais on l'a fait jouer une couple de fois aussi. D'ailleurs, ouais. sur la palmarès. La pièce, c'est The Awakening de Final Flash. Tout à fait. Dans quelques minutes tantôt, on va parler de choses inutiles dans C'est un fait. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Pour l'instant. Pour l'instant. On retourne en musique. Non, c'est vraiment des timings, là, par exemple. On est supposé répéter l'un l'autre. Là, on va recommencer. Non, OK, laisse faire. Millie Grove Band, Ghost at My Back. T'es poche. Ouais, mais c'est toi qui es poche. Ah! Offusqué! Je voulais dire chacune syllabe. Ah. Tu l'as pas parlé. Don't. Lately, whoa. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Oui, c'est toujours Assemblage requis sur les ondes du 89.1 FM. Aux ondes. Aux ondes du 89.1 FM. Aux ondes campus. Ah ben, Colin, toi, le jeu de mots, incroyable. Il nous reste beaucoup de temps à l'émission, mais pas beaucoup de temps avant que les invités et le contenu de qualité arrivent. Donc, je vais faire du contenu moyennement de qualité. On s'entend? Pas, c'est un fait. Ouais, excuse-moi. C'est un fait, c'est la chronique des choses, des faits, véridiques, véritables et vérifiables. Commençons en parlant de chat. De chat. Un sujet que j'aime beaucoup, moi. De chat. Chat. Pourquoi les nez des chats sont mouillés, sont humides, selon toi? C'est pas parce qu'ils sont allergiques? Non, mais il y a des chats par contre qui sont allergiques, c'est vrai. Ouais, ouais, allergiques aux humains. Ah, aux humains, hein, ouais. Je suis pas sûr. Il y avait un chat que j'ai connu, là, que j'ai connu. Ouais, ok. Qui était allergique aux humains. Mais ouais. Tu sais, ça le dérangeait pas, là. En fait, il voulait se coller quand même, là. Mais il éternuait, puis. Ok, ça, c'était prouvé que c'était à cause des humains, ça. Genre des glandes ou je sais pas qu'est-ce qu'on a sur nous. Oui, ben c'était prouvé en fait, et le chat m'appartenait pas, là, mais c'est ce que okay. Je m'étais fait dire. C'est mon chat éternu puis tout ça, mais c'est une rhinite chronique, c'est une maladie, c'est pas à cause de moi. T'sais. Non, mais sinon, quand il est tout seul, il éternue pas. Ah, ouais. Quand il est étrange. Ouais, c'est... Bref, la raison pour laquelle les chats ont le nez mouillé, hein, c'est qu'un chat inspire surtout par le nez et expire par la bouche. Par contre, quand il est dans son coin et puis il respire un petit peu, c'est tranquille, la plupart de l'air qu'il expire, moi, ouais, c'est ça. Et chaud et humide. Donc, il y a de la condensation à l'extérieur. L'air est froid. Puis, bref, ça fait comme un genre de truc scientifique là, où ça fait que son nez est mouillé à cause de ça. À cause de la condensation. Bref. Oh. Au pire. Les gens qui ont une défectuosité génétique, le Naegeli syndrome ou la dermatopie pigmentosa reticularis, n'ont pas d'empreinte digitale sur leurs doigts. C'est une condition qui existe, ça. C'est rare, ça? Ouais. Ouais. Ça ne dit pas les chiffres, mais oui, c'est rare. Okay. Ça a l'air très, très rare. En fait. C'est dans le Essential Book of Useless Information, ce fait-là. Of Useless Information. Oui, il y a un livre pour ça. 7% des Américains disent qu'ils ne prennent jamais leur bain. Jamais. 7%. Et moi, c'est plus rare. Oui, des bains en tant que ouais, tel. Ouais, c'est ça. Sinon, je prends ma douche, là, on s'entend, je me lave. Là, mais prendre mon bain l'été, wow, ça arrive très rarement, à moins que j'aille mal à quelque part. Mm-hmm. Fatigué, grippe oblige, mais toi, Matt? Non, jamais. Ben, je suis grand. Ouais. Ben, ouais, pas c'est toujours ça. Pratique, ça. C'est ça, exactement. Surtout dans les loyers. Ouais, exact. Tu sais, mettons, chez vous, dans une maison, tu peux peut-être t'arranger pour... Mais dans les loyers, ouais. Ben non. Ensuite, prochain fait. La plus longue partie de Monopoly jouée dans un bain. Dans un bain. A duré 99 heures. La plus longue partie de Monopoly, en général, a duré 1680 heures, c'est-à-dire 70 jours. Non-stop. Ben, sûrement qu'il y avait des règles de pipi, etc. Oh. Mais en gros, là, 70 jours. Sont malades. Dans un bain, 99 heures, il me semble que c'est pas si long que ça. Pour un record, là, facile à battre. T'sais. Dans un bain, tu dois avoir le goût de sortir de là. Mais ça. Si les oiseaux pouvaient suer, ils seraient pas capables de voler. Donc, on s'entend que les oiseaux ne peuvent pas suer. Ah, ça... C'est un autre fait qu'on nous apprend par le fait même. Ouais. En moyenne, les humains pètent une fois par heure. En moyenne. Ouais. Flatulence, une fois par heure. Il y a 9 muscles dans l'oreille humaine. C'est pas beaucoup. Ça. Ouais. Est-ce que tu connais Adolf Sachs et John Sousa? Non. Ben, c'est ceux qui ont inventé le saxophone et le sousaphone. Le sousaphone? Sousaphone, je connais moins celui-là. Je connais moins. Mais ce nôtre est sûrement dans le même genre. Là. Tu le verrais et tu me dirais, ah ouais, c'est ça. T'sais, on l'appelle peut-être pas comme ça en général. Pas un tuba, non? Bah, ouais, je sais pas. J'ai aucune idée. Bref, ils ont le même anniversaire. Adolf Sachs est né le 6 novembre 1814. C'était un designer d'instruments musicaux. Il était belge. Ce qu'il a fait depuis célèbre, ce qu'il a rendu célèbre finalement, c'est l'invention du saxophone en 1846. John Philip Sousa, né le 6 novembre 1854, était un compositeur américain et un conducteur, donc un chose d'orchestre. conducteur d'orchestre, qu'on appelait souvent le March King. Un conducteur d'orchestre? Ouais, tu sais, celui qui avec les, la baguette, là, qui dirige. Ok, ok. On appelle ça directeur d'orchestre. Maître. Comment t'appelles ça, donc? Je sais pas. Le maître d'orchestre. C'est ça, c'est pas un conducteur, là, je sais. Non, non, peu importe, peu importe. Mais on l'appelait March King, comme dans Marching Band, bon, c'est ce que ça veut dire. Sa contribution la plus célèbre, c'est la chanson Stars and Stripes Forever. Même si le saxophone a été inventé par J.W. Pepper en 1893, l'instrument a été nommé d'après Sousa, basé sur une suggestion de Sousa lui-même. Ok, donc c'est vraiment Sousa qui a suggéré que le saxophone s'appelle saxophone. C'est noble. C'est très noble, hein? Faut être vraiment prétentieux. Un petit peu. Continuons avec notre prochain fait dans la chronique, c'est un fait. Les Dallas Cowboys, tu connais cette équipe-là? Les Dallas Cowboys. L'équipe de ping-pong, c'est ça, football. On va en parler tantôt, peut-être. De football? Ouais. Et des Dallas Cowboys, peut-être. Au début, leur nom, c'était les Steers. Ils ont changé leur nom. Les Steers? Les Steers. Steers. Ils ont changé leur nom à Rangers, ensuite Cowboys, avant même leur première partie. Donc, ils n'ont jamais joué de partie en tant que Rangers ou Steers. Et Rangers, ça existe déjà au football. Ouais. Ça vient du Texas aussi. Donc. Ben, je savais. Voyons. Ben, okay. Je savais ça. tu m'apprends rien. C'est qui le lanceur? Hein? C'est hey! C'était George Steinbrenner. Ça, baseball. Ouais. Il y a 12 116 morceaux dans un piano Steinway. 12 116. Pas 12 116, parce que ça, c'est pas un vrai chiffre. 12 116. 12 116. 116, ouais. Pas 116. On arrête. 116. Oui. Ferme-la. Dr. Frankenstein, tu le connais? Non, ferme-la. Son prénom, c'était Victor. Victor Frankenstein. Le docteur qui a inventé le monstre de Frankenstein. Bon, c'est qui? Ouais, bon. Je t'apprends rien. En 1996, un sondage disait que 94% des gens ne se lavent pas... non, attends. On recommence? Parce que c'est important. Parce que quand tu finis ça là, c'est bizarre. Mais la distinction entre la façon que j'ai dit la phrase est très importante. 94% des gens ont dit qu'ils se lavaient les mains après avoir utilisé les toilettes publiques. Ah. Alors que selon une recherche, seulement 68% des gens l'ont vraiment fait. Ah non. Le monde, mais ça, il manque, c'est clair. Ouais. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Personne, j'aime ça. Avant de devenir les Wildcats, là, ça, c'est une équipe de Bolo. Polo, le Wildcats, Polo. Les Wildcats, ben là, il y a juste la bière qui vient en tête. Là, c'est là. Ça. Ah, d'accord. L'équipe, les Wildcats. L'équipe s'appelait The Purple, donc les Mauves, ouais. Ou encore les Fighting Methodists. Methodists, c'est une sorte de secte religieuse. Hein? Les Wildcats du Minnesota, c'est ça? Les Wildcats. C'est beau. Hey, crème, j'ai un blé, je sais pas ce qui se passe. Les Wildcats, ça, c'est... Non, on dirait que ça me dit rien. C'est un peu long à date. Attends, je vais te... Mais sur tes Wildcats... Moi, je vais continuer avec le prochain fait pendant ce temps. Je te reviens avec ça. Tu connais peut-être Nolan Bushnell, c'est celui qui a inventé le jeu Pong. Tu sais, Pong, c'est l'ancêtre des jeux vidéo, avec les deux braquettes sur les côtés, avec une petite balle qui va d'un bord puis de l'autre. C'est comme c'est un jeu de ping-pong, finalement, mais en jeu vidéo. Ouais, exact. Ouais, tout le monde connaît ça. Donc, Nolan Bushnell a amené Pong, oui, à un toy show, donc un endroit où on montre des nouveaux jouets. Et il n'a pas réussi à vendre un seul jeu. Oh. Ah non, c'était trop poche? C'était trop poche. Que le monde, je sais pas pourquoi que le monde trouvait ça poche, parce que ça, c'est devenu un succès interplanétaire. Mais il y a une citation de Nolan Bushnell qui dit « Innovation is hard ». C'est difficile d'innover. Les gens n'acceptent pas toujours l'innovation dès le début. Il faut attendre un bout. Tu sais, des fois, les choses sont « before their time » ou comment t'appelles ça? C'est comme... Il est trop avant tôt. Leur temps. Ouais, puis belle traduction. Non, mais c'est... Ouais. C'est à peu près ça, ouais. On va terminer avec quelques derniers petits faits en rafale. Les Beatles voulaient faire un film de Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux. C'est basé sur les livres. Au début, les Beatles voulaient faire ça. Qui était dans quel rôle? Lennon était Gollum, McCartney était Frodo, Harrison était Gandalf, c'est vrai, ça, oui. Et Ringo était Sam. C'est ce que le film dit sur les différents internets. Mais ça, tu sais, les sources des fois, hein? Ouais, on sait pas trop. Ça, c'est à désirer. Hey Mathieu, les Wildcats, ça vient de Moncton. C'est une équipe de hockey. Ben, mais je l'ai fasciné. Wildcats de Moncton. Me voilà vraiment là. En ligne de hockey junior majeur. C'est super ça. Ouais. C'est malade. Et le derrière de ta main a un nom. Ça s'appelle Lopi Sténard. Ici, là, le haut de ta main, là, ce qu'il y a pas la paume, là, l'autre barre. Lopi Sténard. c'est le fun à savoir. T'sais. Opisthenar. Ouais. Et tu ne me verras plus jamais dire ce mot-là. Ah, tiens, mon dernier. Les créateurs des poupées Barbie et Ken ont nommé les enfants, les poupées d'après leurs enfants. Là, tu m'as vu venir parce que j'avais dit le mauvais mot en premier. Là, c'est un peu ça. Quand les poupées ont été inventées en 1959, ou au moins introduites sur le marché en 1959, c'était controversé à ce moment-là parce qu'on se demandait si c'était approprié de vendre une poupée aux enfants, une poupée qui a des seins. Évidemment. Donc, Ruth Handler, qui est la créatrice de Barbie, a eu l'idée d'inventer Barbie en regardant sa fille Barbara jouer avec ses poupées. Barbara, Barbie, hein, on s'entend. Elle a reconnu que les enfants voudraient jouer avec une poupée qui a l'air d'un adulte. Ah, tout à fait, mais le seul hic que je trouve, c'est que la Barbie englobe beaucoup de stéréotypes américains. Mm. C'est un peu touché, en fait, pour les enfants, mais dans le sens que eux autres, c'est l'image d'une femme pratiquement parfaite. Ouais. Après ça, on se demande pourquoi il y a des problèmes au niveau de... Toutes les vedettes, tous les magazines, les poupées Barbie. Soyez donc vous-même, Tavrotte, puis on... Ça va être pas mal plus le fun pour tout le monde. Quelle leçon de vie. Ben hey, voilà. Mathieu, t'as-tu terminé? Ça va terminer, là. C'est bien... Ça finit sur une belle note. C'est comme... on s'étend comme... Oh, wow, ça, c'était beau. Eh bien, d'abord, écoute, je te parle de quelque chose qui est relativement spécial et qui m'a intrigué. Tu parles de toi-même? Non. Spécial et intriguant. Non, mais j'avoue que quand tu vois ça de même... T'es différent aussi. Je suis différent. Particulier, je trouve. Hey, OK, arrête. Là. Oui, vas-y. OK, je te parle de lundi, OK? Qu'est-ce qui s'est passé à Los Angeles lundi dernier? Je sais pas. Ben, on ne sait pas non plus, parce que dans le ciel, il y a eu un épaisse traînée de fumée qui a été aperçue pas très loin de l'aéroport. Et même qu'on l'a filmé, là, j'avais noté ça aux nouvelles. Hein. Et puis... on n'est pas en mesure de savoir c'est quoi. La télévision locale parle d'un missile, mais l'armée n'est pas en mesure de savoir qui aurait lancé ça. OK. Donc, c'est un peu bad tripé, si on veut. Oui, en effet. Parce que c'est ça, en fait, c'est la télévision locale KCBS qui a diffusé l'image de la trace de fumée. Elle pourrait provenir d'un tir de missile de l'armée américaine, mais... L'hypothèse n'a pas pu être démentie par l'armée en tant que telle. Mais l'armée dit que non, ce n'est pas eux autres. Mm-hmm. Donc, bref, ça vient d'où? Allez voir ça. Vous pouvez voir les images sur Internet. Là. Ouais? Ouais. Allez voir ça. Là. Tu m'enverras le lien, je le mettrai sur assemblagerequis.com. Parfait. Eh bien, ça va s'expliquer d'une façon ou d'une autre. Mais j'allais voir l'image, puis... C'est inexplicable. Non, mais moi, je sais pas c'est quoi. Et surtout, s'ils disent que l'armée, non, c'est pas eux autres. Ouais. J'avoue que l'armée, là. Puis en plus, je me demandais ça. Je sais pas, là, ils en font pas allusion nulle part ailleurs, là, mais il y avait pas comment est-ce que t'appelles ça? Un bouclier antimissile? Ah. Des Américains? Hum. Donc, s'il y avait ça, je me dis que, à la limite, ça ne fonctionne pas bien, un bouclier antimissile, mais bref. Il se passe quelque chose. Ouais, exact. Ouais. Eh bien, assemblagerequis.com. Je t'envoie ça, là. Envoie-moi ça, puis je mets ça sur le site. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, on a les invités de Marc qui arrivent. On va parler à Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta. On va parler aussi de sport avec un journaliste du Journal Vincent de Québec. Vincent Gauthier. Et quelqu'un du SAE aussi qui va venir nous parler. Ouais, Yann Martel. Exactement, qui va nous parler de la journée carrière en enseignement. Ça s'en vient tout à l'heure, mais pour l'instant, on écoute une pièce de Beach House. Voici Norway au 89 FM. Norway, The Beach House à Assemblage Requis sur les ondes du 89.1 FM. Si vous êtes avec nous le mardi d'habitude, François, je vais t'apprendre quelque chose. On a encore une fois oublié de passer Richelry hier. Ben oui, c'est le mardi d'habitude, on va la passer aujourd'hui, c'est pas grave. Tout à fait. Écoute, on pourrait peut-être la passer maintenant. Oui, ben c'est ça que j'allais faire. On pourrait la passer deux fois pour compenser aussi. Puis mettre l'intro de deux fois. Ouais. Pace play. Pace play, ah ben, ah non. Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Félix Faure, la menthe religieuse des présidents de la Troisième République française. La menthe religieuse est reconnue pour sa voracité pendant l'acte de reproduction. Madame dévore la tête de monsieur, qui atteint donc simultanément le plaisir, du moins le lui souhaite-t-on, et la mort. Mais que peut bien venir faire un chef d'État dans le monde de cet insecte? Reportons-nous au 17 janvier 1895. Le député du département de Seine-Inférieure, Félix Faure, est élu président de la Troisième République française, succédant au président démissionnaire, Jean-Casimir Perrier. Le mandat du nouveau chef de l'État va être marqué par deux événements. Son implication dans la fameuse affaire Dreyfus d'une part, ce qui ne nous concerne pas ici, les circonstances pour le moins cocasses de sa propre mort d'autre part, d'où, comme on va le voir, la comparaison avec la menthe religieuse. En 1897, le président Faure se rend à Chamonix, où il fait la connaissance d'une dénommée Marguerite, conjointe du peintre Adolphe Steinheil, qu'elle avait épousé le 9 juillet 1890. Le peintre se voit passer une commande officielle pour une toile, ce qui permet à Félix Faure de rendre régulièrement visite à l'artiste dans sa villa du 6 bis impasse Ronzin à Paris. Mais les yeux du président s'intéressent bien davantage à la femme de l'artiste qu'à son œuvre. Madame Steinheil, née Marguerite Jeanne Japy, devient la maîtresse de Félix Faure, président de la République française. En fin d'après-midi du 16 février 1899, Faure téléphone à sa maîtresse pour, comme d'habitude, lui donner rendez-vous dans le salon bleu du palais de l'Élysée. Peu après l'arrivée de la donzelle, les domestiques entendent des coups de sonnette. Le président appelle à l'aide car il se meurt pendant que sa dulcinée se rhabille en toute hâte. Une congestion cérébrale emporte Félix Faure dans les heures qui suivent. Le bruit court que c'est une fellation qui a causé la mort du président et les bons mots commencent à aller bon train. Marguerite se voit surnommée la pompe funèbre et Georges Clémenceau dira de Félix Faure « Il voulut être César, il ne fut que Pompée ». Une dernière anecdote peut être controuvée mais tellement croustilleuse. Un prêtre de l'église voisine de Saint-Philippe-du-Roule, passant par hasard devant l'Élysée, se serait fait de suite réquisitionner pour l'extrême onction. Ayant demandé au garde républicain « Le président a-t-il encore sa connaissance ?» il se serait fait répondre « Non, monsieur l'abbé, elle est sortie par une porte dérobée ». Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Ah, on pensait pas avoir du contenu intense comme ça le matin aujourd'hui, hein? C'est quelque chose. Pas ce matin. C'est la pompe funèbre. C'était le professeur. C'était très drôle, ouais. Oui, ben drôle. Pour lui, en tout cas. Ouais, non, mais c'était divertissant comparativement. Mais c'est tout le temps divertissant, en fait. C'est chronique, là, mais celle-là, on dirait que. Un petit quelque chose, je ne sais quoi. Ouais, exactement. On retrouve Régis Solry mardi prochain. Hein? Mardi. Ça, c'est le jour avant le jour d'aujourd'hui, là, avant celui d'aujourd'hui. Ouais. C'était hier, ça. Genre. Mardi, vers les 8h. Et puis, ça joue aussi dans Dîner de cons, les mardis, entre 11h et 13h. Et entre Rock Révélé et Réanimation, à 21h, les mardis soirs. Tout à fait. Nous, on se retrouve après cette pièce de The Get Up Kids. Voici Close to Me. Stick it up, kids, à Assemblage requis. On parlait de moustache, François et moi, parce que vous savez peut-être que c'est Moustachos. Moustachos, c'est le mois Movember en ce moment. Tout à fait. Et puis, depuis le début de la semaine passée, on a appelé plusieurs personnes, quoi, cinq. Oui, je pense que oui. Sébastien Richard, ouais. Jean-Philippe Ayotte, mm-hmm. Alexandre Lapointe, Nicolas Ducharme, qui va se la faire pousser en fin de compte, qui a changé d'idée semaine dernière. Okay. Mais ça reste à confirmer. Là. Des fois, ça, il peut changer d'idée. Il y a Martin Rivard aussi, T-Bone, okay. qu'on a appelé. Donc ça fait vraiment Guy. 5 Oh, 6 Guy aussi. Non, c'est gâté. Oui. c'est gâté à ta barouette, m'a-t-il dit. Ça, c'était la semaine passée. On va vous faire entendre la semaine prochaine un montage de tout ça pour vous remémorer des souvenirs. Mais bref, ces gens-là pensaient qu'on allait les rappeler cette semaine. Mais attends une minute, il faut que votre moustache pousse. Là. Oui, non, c'est ça. Puis en même temps, écoute, on peut pas dire qu'on va vous rappeler. C'est une surprise. Une surprise, on sait pas quand. Un jour, vous allez vous faire réveiller. Oh. Puis t'as-tu vu ma. Ouais, ça pousse. Ça pousse, mais en fait, je me suis rasé ce matin. Okay. Mais attendez, tout sauf la moustache. Ça. Tout sauf la moustache, ouais, c'est vrai. Mais fait que j'ai comme. Ça a l'air un peu chaudron, mais en même temps, ça paraît pas tant que ça. Parce que, en fait, grosse journée aujourd'hui, là, mais ouais. Je voulais quand même bien pareil. Tu vas devant public, c'est ce qu'on pourrait dire. T'es comme une rock star. Non, mais en fait, je m'en vais présenter des trucs, fait que, tu sais, je voulais comme... Bien pareil. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai juste l'air chaudron en général, même si je me... Non, mais c'est pas super. Ouais. L'air de douchebag, pour vrai, je me suis rasé en douchebag, j'ai comme les petites lignes là, sur les coins de mon... Comment t'appelles ça? Le côté du menton, là, on s'entend tout que c'est quoi? Ça? Je sais pas, on dirait que... La mâchoire, mettons. Ouais. On pourrait dire. Ouais, très bon. C'est ça. Mais c'est ironique. J'espère que les gens comprennent l'ironie. Ça paraît de moins en moins dans le sens que ça repousse. Ouais, c'est ça, ça repousse assez rapidement. On va revenir tantôt avec une deuxième heure. On va voir Kiwan qui va nous appeler dans les prochaines minutes pour parler en direct de l'Alberta, sa chronique Kiwan en cavale. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On va recevoir, on va faire un autre appel, Vincent Gauthier, qui va nous parler de sport, de football, je pense, ce matin. Ouh! Et Yann Martel du service aux étudiants va nous parler des journées... Carrière en enseignement. Journée carrière en enseignement, c'est dans la deuxième heure d'assemblage requis. Restez avec nous, les moustachus. Cadon pour mon moral, j'en branle l'or. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 10 novembre 2010. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, vous êtes à l'émission matinale en pièces détachées, c'est-à-dire l'émission qui vous présente différentes affaires qui ne fitent pas nécessairement ensemble. C'est un peu le résumé de la chose, je pense. Hein? Ça résume bien, non? Ben non. Ben oui! Tout s'emboîte très bien. Tout s'emboîte, t'as un casse-tête avec des petites pinouches dessus. Tu sais, ça, c'est le fun, tu sais, dans le temps. Toutes les casse-têtes avec des pinouches dessus, comme des punaises, genre. C'est comme plus facilement oui, le oui, prendre. Oui, oui. Mais pour ça, en fait, je suis sûr que ça existe encore, c'est pour les enfants. Oh oui, c'est ça. Les adultes, par exemple, pas de punaise. Nous autres, on est capable de prendre des morceaux avec nos mains. Tout de même. Ça donne une difficulté. C'est ça, c'est comme dans Tetris, tu peux monter le niveau de difficulté avec le temps. C'est... Parum. Ah, là, là, là. Alors, on va parler avec Kiwan en direct de l'Alberta. Voici Kiwan en cavale. Bonjour Kiwan! Bonjour! Ça va? Oui, ça va bien et vous? Oui, très bien! Merci beaucoup, toujours en Alberta? Oui, et vous, toujours moustachu? Oui, tout oui! Tout le temps, ça pousse! Hey, toi, t'as pas demandé, est-ce que tu te fais pousser la moustache? Ben, vous connaissez mon affection pour la moustache. Tu l'as de toute façon, pas besoin d'un mois spécial dans l'année. Exactement, j'ai vraiment pas besoin de ça, mais... Ben écoute, moi j'ai toujours la barbe intégrale, là, si jamais vous solliciter ma moustache, ça pourrait toujours se faire. Là. OK. Ben, on peut la solliciter maintenant, genre? Ben oui, mais est-ce que c'est un mouvement planétaire, ça, au fait, la moustache? C'est pas juste c'est fou, donc ça a une certaine importance. OK. partout dans le monde. Je vais quand même avoir un rapport là, ici. Là. Ouais, oui, tout à fait, c'est canadien, là. Inquiète-toi pas. Ça, puis là, de toute façon, présentement, les gens te voient quelque part passer et ont l'impression que c'est un grizzly. Fait que là, ça va causer comme une espèce de scandale. Là. Ils vont penser qu'ils ont vu le Yeti. Fait que rase-toi. Le pouillot. Ouais, c'est vrai, mais ici, je pense que je vais me pondre dans le paysage avec une moustache de toute façon. Ah, c'est la mode en Alberta en ce moment? Ben non, pas tant. Il y en a quand même plus, je pense. OK. C'est plus commun. Même Carey Price a une moustache, hein? Je l'ai vu hier. Ah oui, ouais? C'est vrai? Ouais. Et puis Hargill aussi, les autres, je sais pas, là, mais. Wow! Wow! Ben, je dirais même Mathieu Plante, en fait, en ouais, c'est sur une échelle. C'est un plus grand... Ouais, c'est ça, c'est un plus grand incitatif pour moi, personnellement. Ouais, c'est vrai. Ah, je te regarde. C'est beau avoir cette relation-là. Qu'est-ce que tu fais de ces temps-ci, Kiwan, quoi de neuf? Raconte-nous un peu là, ta vie là, en Alberta. Là. C'est mouvementé, il y a de l'action là-dedans? Ben, écoutez, je travaille vraiment beaucoup, là, puis moi, ça commence presque à devenir lourd même. Je pensais, avant de partir, que j'étais vraiment un être très solitaire, là, puis qui aimait beaucoup être seul. Ben, je pense que c'est toujours le cas, mais... Là, ça commence presque à devenir lourd, je vous dirais, de passer là 6 jours sur 7 tout seul dans mon camion. Fait que je suis content de vous parler, mais j'ai quand même les balados de diffusion d'assemblage requis pour me garder avec un contact à la vie. Là. C'est quand même pratique, je vais vous avouer. Mais j'ai quand même des journées de congé aussi. Et d'ailleurs, je veux vous raconter une expérience que j'ai vécue. C'est pas super extraordinaire, là, mais quand même, moi, ça m'a presque bouleversé en fin de semaine. Okay. J'avais une journée de congé de fin de semaine, ce qui est quand même assez rare. J'étais allé à Medicine Hat, là où j'ai des amis, où j'ai un pied à terre. Medicine Hat, je vous rappelle la ville avec une image traditionnelle, très conservatrice, c'est très un peu country, je dirais. Okay. Donc, on a décidé de sortir dans un bar qui, justement, qui a la réputation d'être un genre de nightclub country. Et c'est vraiment la place pour sortir à Medicine Hat. tout le monde à Medicine Hat connaît le Ralph et se ramasse à chaque fin de semaine au Ralph. C'est vraiment l'endroit là, qui rassemble tout le monde, mais vraiment de tous les styles différents. Puis c'est tout à plein de jeunes qui tiennent là. C'est comme un nightclub, en fait. Donc, tous les jeunes se tiennent là, mais vraiment tous les jeunes de tous les styles différents. T'as des vieux aussi, t'as des jeunes de style un peu plus urbain, hip-hop, autant que metal, rock, hipsters même. T'as aussi des vieux monsieur en moustache et chapeau de cowboy. Et la fin de semaine, au Ralph, il y a des spectacles. Et c'est quand même un bel endroit, là. La place est faite un peu comme une salle de spectacle, comme une salle de bal, mettons. OK. Et en fait, l'année passée, samedi, il y avait le spectacle de Laurie Cole, que je vous présume ne pas connaître. Non, mais le nom a fait petite chanteuse là qui chante des platitudes. Le produit commercial, disons, là, Laurie Cole, là, qu'on essaie de vendre, là, ouais. C'est genre petite poulette qui chante du country rock. Mais finalement, tu sais, on se rend compte assez vite que ses posters sont hyper photoshopés, puis on a plus envie de l'appeler Madame Cole là, quand on la rencontre en vrai. Mais ouais, c'est ça, regarde, un spectacle country rock avec des chansons là vraiment très très très inspirées de Shania Twain. J'allais le dire, ça sonne Shania Twain de la façon que t'as décrit un peu. Ah oui, même physiquement, là, je te dirais. mais avec ces musiciens, ils ont vraiment le look des musiciens country rock là, avec des messieurs là, d'une cinquantaine d'années avec la moustache, les bottes de cow-boy puis la grosse boucle de ceinture. Wow. Mais tout ça dans un nightclub rempli de jeunes, danse tout le Two Steps. Je sais pas si vous connaissez cette danse-là, moi je connaissais pas le ça. Le Two Steps? Le Two Steps. Non, je connais pas. Non. Comme le nom l'indique, c'est vraiment très simple. Ça consiste simplement à sauter deux fois sur un pied et deux fois sur l'autre. C'est une danse de couple, donc tu fais ta partenaire par le corps. Boy. C'est comme jouer à la marelle. Ben, ça ressemble vraiment à ça. Écoute, c'est vraiment très, très drôle. Je capotais quand je voyais ça. J'ai pas pu m'empêcher de l'essayer. C'est vraiment très drôle. En fait, là, c'est la meilleure façon là, que je pouvais l'expliquer là, aux autres Québécois qui étaient là, qui comprenaient pas trop. C'est saute deux fois sur un pied, deux fois sur l'autre. Tournois un peu partout sur la piste de danse et si tu as l'impression d'être vraiment ridicule, c'est parce que tu l'as parfaitement. Wow! Et c'est vraiment très drôle. Et juste pour finir là, mon histoire de nightclub là, qui n'est pas si drôle, ce qui était le plus troublant, je pense, c'est que entre les sets de Laurie Cole, okay, il y avait un DJ, le DJ maison là, de la place, qui passait vraiment des tunes de nightclub normal. Oh, okay. Ouais. Et pendant ce temps-là, là, tout le monde passait du two-step à la danse régulière de club. Et pendant ce temps-là, sur les écrans géants partout autour, il y avait une compétition équestre qui jouait pour échanger. C'était vraiment magique. Ah, wow! Quel moment magique. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Je pense qu'il est temps que tu reviennes, Keyword. Ouais. Ça va te contaminer, puis tu vas commencer à vraiment vouloir... Ramène cette idée-là à Trois-Rivières, au pire, un beau petit bar de même qui joue du David Guetta entre un concours équestre. Puis... ouais, peut-être que ça pourrait marcher. Il faudrait adapter le concept à Trois-Rivières. Là. Il y a sûrement d'autres références trifluviennes qui pourraient se mélanger là, dans le même endroit. Là. Mais tu sais, Saint-Tite, est pas trop loin. Oui, c'est il y a un marché pour ça, là. Faudrait ouvrir ça à Saint-Tite, on va y penser. Tu vas faire la pièce! Ça marcherait une fin de semaine par année. Deux fins de semaine. Ouais, mettons. Ah, Keywan. En fait, Saint-Tite, présentement, c'est déjà ça, je pense. Un mélange assez étrange et paradoxal de plein de styles. On essaie de ne pas y aller, c'est pour ça. Ah. Non, c'est pas vrai. On évite la place, mais pas du tout. C'est du sarcasme, de l'ironie. Hey, sinon, aussi, est-ce que j'ai encore deux minutes pour vous parler de quelque chose que j'ai découvert cette semaine? Ben oui, lance-toi. Vas-y. Ou récemment. Je commence à être familier un peu avec les radios, les différents mœurs radiophoniques. OK. Puis en Alberta, qui sont là, en général très, très... à part country, là, que j'essaie vraiment d'éviter ces postes-là sur la bande FM. Mais c'est très, très rock, très classic rock et rock alternatif, années 90. J'ai découvert une station vraiment très, très cool qui a beaucoup d'affinités, en fait, avec C'est Fou. Ah oui? C'est la radio campus de l'Université de Calgary, qui est aussi une radio universitaire / communautaire, comme C'est Fou. Parfait. Et il y a deux semaines, ce que je voulais vous raconter, c'est que deux semaines, ils étaient en plein période de financement parce que eux ont vraiment les deux modes, okay, donc universitaire et communautaire, et ils utilisent les deux façons de financer. Puis les radios communautaires au Québec font souvent ça, des radiotons, mm-hmm, une ou deux fois par année. Donc la semaine passée, c'était le radioton CJSW? Exactement. Et puis c'est ça, donc ils font un radioton. Et en plus, ils ont comme les radios universitaires, ils ont la cotisation des étudiants, mm-hmm, qui représente à peu près la moitié de leur budget. Et en plus, on fait une neuve et tronc qui a ramassé, tenez-vous bien, 200 000 $ Comment est-ce qu'on fait ça? Wow. Et ça c'est seulement c'est au moins, peut-être moins en fait, mais au plus la moitié, dites-vous là. Donc c'est au moins 400 000 $ finalement, le budget de la station. Wow. Et c'est vraiment cool. En fait, ils ont un paquet de partenaires à travers la ville, autant des groupes, des salles de spectacle, des boutiques, qui les commandent en fait en leur donnant du matériel ou des billets de spectacle. Mmh. Donc eux autres, après ça, peuvent se permettre de faire des kits avec ça, qu'ils vendent. Donc en fond, si tu veux faire un don, tu donnes, mettons, si tu donnes 100 $ ben t'as tel kit qui comprend un t-shirt de la station, des billets pour tel groupe et puis tel rabais dans tel magasin. Mmh. Et puis c'est ça, j'ai écouté l'autre fois une heure. Et dans l'émission, les animateurs disaient on va essayer de ramasser 200 $ aujourd'hui. Finalement, ils ont ramassé comme 800 $ dans leur seule heure de radio. Donc, c'est vraiment hallucinant. Et c'est une très, très bonne radio. Là. La programmation est vraiment très, très bonne. Ben, on reçoit des compilations de leur part assez souvent. Là. Ils ont l'air d'avoir, en tout cas, je sais pas, du budget au moins pour faire des compilations qui ont vraiment de l'allure. Là. Je trouve que leur look et la façon que la radio a l'air d'être faite, là, ça a l'air vraiment, vraiment bien. Je sais pas si je me trompe, parce que est-ce qu'il y a moins de gros réseaux de radio qui ont une station à Calgary, donc peut-être qu'ils ont plus un marché que les gens les écoutent parce que c'est... Ouais. Parle d'un monopole, disons, là, d'une station commerciale qui aurait vraiment un monopole. Ouais, genre comme, mettons, ici, il y a des radios qui sont implantées depuis toujours, puis c'est comme ces grosses stations-là roulent, puis nous autres, on est comme à côté, tu sais, alors qu'eux autres, peut-être non. Ben, ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus de compétition, en fait. Il n'y a, okay, pas de monopole, puis les stations sont vraiment agressives dans leur publicité entre les unes et les autres, étant donné qu'il n'y a pas de monopole, ben, ils se battent beaucoup entre elles. Et c'est beaucoup, là, comme je disais, les stations rock là, qui trônent en roi ici. Puis je vois des publicités, des fois même les stations rock compétitionnent même les bars. J'ai vu une publicité où la station disait « La musique est déjà chez vous, pourquoi aller au bar? Assieds-toi, prends-toi une bière ou 10. » Ah, cool, ça! Mais tu sais, quand même, là, les radios compétitionnent, les bars, je trouvais ça cool. Mais côté radio plus alternative là, ou indépendante, j'en ai vraiment pas beaucoup entendu. J'ai l'impression que CJSW sont peut-être un peu les seuls ici. C'est pas une radio qui est vraiment vieille non plus. Ça fait pas si très longtemps là, qu'ils ont accédé à la bande FM, mais ils arrêtent pas de grossir à chaque année, justement. Eux autres, dans le fond, ils sont capables de couvrir leurs frais courants avec la cotisation des étudiants. Donc, l'argent qu'ils ramassent dans leur radioton, c'est vraiment pour l'expansion, pour upgrader leur équipement. Ils ont un studio qui leur permet de faire des enregistrements puis des prestations live. Ils ont un studio vraiment désigné là, aux prestations live. Wow. Puis c'est ça, c'est vraiment une très bonne station. La programmation est vraiment variée. En plus, la programmation ressemble plus à une programmation, je dirais, de radio communautaire. Ils n'ont pas le son universitaire là, qui est accolé généralement à ce genre de station-là. Okay. Le son n'est pas aussi uniforme, disons, là, qu'est le son traditionnel okay. universitaire. Ben, je regardais justement leur palmarès, des trucs comme Deer Hunter, Blonde Redhead, que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le reste, il y en a plein que je connais pas là-dedans, vraiment pas. Sufjan Stevens est là. Two Hours Traffic, des trucs comme ça. Donc, il y a quand même des trucs qu'on reconnaît là-dedans. CJSW.com, c'est le site web de cette station, CJSW.com. Et puis, si vous passez dans le coin de Calgary, premièrement, ben, vous direz peut-être bonjour à Kiwan à un moment donné. Et puis, c'est sur le 90.9 FM. Ouais, exactement. Voilà. Donc, Kiwan, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et puis là, ben, si je comprends bien, on va se retrouver toutes les semaines. Ben oui, je vais essayer, là, tu vois, même si j'ai pas tant rien de trop pertinent ben, à vous conter. C'est tellement intéressant. Jaser pareil. Exact. Donc, on te retrouve ben, éventuellement. On décidera d'un jour et d'une heure. Et puis, on tiendra au courant les auditeurs de ça. Hein? Ben, ça risque d'être le mercredi, mais ouais. ça dépend de tes disponibilités aussi. Là, mais... En tout cas. Je pense que je vais m'arranger pour vous appeler tous les mercredis, si ça vous plaît. Oh oui, ça nous plairait beaucoup. C'est un bon moment dans notre semaine, un peu comme toi dans un bar country, western, slash grand public, mettons. Exactement. Puis là, est-ce qu'il y a des photos de ta moustache, Mathieu, disponible? Non, pas encore. Non, j'ai pas réussi. J'ai voulu, On met ça d'ici la semaine prochaine. OK. On va avoir comme un genre d'avant. Je trouve qu'on peut trouver une photo de nous avant. Ah, un pendant, mettons, au milieu du mois. Puis après ça, là, on ira peut-être à semaine 3 puis à semaine 4. Puis après ça, le rasage. Hein? Bon. Kiwan, on va se quitter avec une pièce de Hooded Fang, Laughing, qui vient d'entrer dans le palmarès, et je sais que t'adores Hooded Fang, t'en faisais jouer pas mal souvent dans le temps que t'animais avec moi. Oui, j'aime ça, puis je savais pas qu'il y avait un nouvel album, j'ai appris cette semaine, donc j'ai bien hâte d'entendre ça. Laughing de Hooded Fang, merci encore Kiwan. Merci Kiwan. Merci à vous les gars. Bye. Merci, bye bye. Salut. On se retrouve après et on parle de sport. Avec Vincent Gauthier. Oh oui. La pièce Laughing de Hooded Fang sur leur album Hooded Fang Album à Assemblage Requis, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Parlant de matériaux de qualité, on va recevoir immédiatement Vincent Gauthier qui va nous parler de sport. Salut! Salut Vince, ça va? Oui, ça va bien toi? Yeah, ça va bien. Hey, on va présenter Vincent, en fait, chose qui est importante. Vincent est déjà journaliste au Journal de Québec pour les sports, c'est exact? Ouais, mais je fais plus beaucoup de sport ces temps-ci, là, mais c'est exact que je travaille au Journal de Québec, effectivement. OK, bon, ben, merveilleux. Mais écoute, c'est ça. Toi, tu vas nous parler de sport, par exemple? Oui, c'est ça. OK, et puis cette semaine, tu nous parles de quoi? Parce qu'en fait, c'est ça, là, tu vas être là pas mal à chaque semaine, je pense. Oui, c'est ça. Ben, je vais commencer par vous parler des séries de la Ligue canadienne de football, parce que c'est ça, là, la saison tirée à sa fin. Ça s'est terminé le week-end dernier, puis je pense qu'il était temps, là, surtout pour les partisans des Alouettes, là, avec la dernière prestation qu'ils ont offert là, avec un club B, et ils sont fait écraser là, par les Argonauts de Toronto. Donc, vivement le début des séries, mais les Alouettes vont avoir une pause encore cette semaine avec les demi-finales d'association. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, là, parce que ça va être un affrontement entre Hamilton et Toronto là, pour les demi-finales. Et puis, c'est un peu bizarre, parce que je pense que les Alouettes ont peut-être plus de chances contre Toronto en finale de l'Est, mais c'est bizarre cette saison. Hamilton a complètement dominé Toronto dans les trois affrontements, donc ça va être assez intéressant à observer, mais quand même, c'est les Alouettes qui vont être favoris en bout de ligne là, lors de la finale dans deux semaines pour se rendre jusqu'à la toute grande finale de la Coupe Grey. Je sais pas si tu as suivi ça un peu cette saison, mais... Oui, en fait, c'est ça, en fait, puis j'ai une petite question concernant, c'est ça, la dernière partie, parce que les Alouettes ont présenté leur club B, comme tu disais, mais est-ce que c'est une bonne chose, en fait, permettre aux vétérans comme de se reposer, ou vraiment, ils vont arriver, puis ils vont la jouer un peu plus mollo, dans le sens qu'il va être, tu sais, ça va faire un petit bout qui n'auront pas joué? Oui, c'est ça, c'est un petit peu difficile, tu sais, c'est toujours difficile à faire une décision comme ça. Là. J'imagine que c'est vraiment selon le pouls des entraîneurs. Là. Bon, quand t'as un gars comme Anthony Calvillo qui peut gagner un match à lui seul, là, j'imagine que tu veux pas qu'il se blesse. Mais en même temps, c'était quand même à domicile. Je pense qu'il y a un petit peu un respect des partisans à voir là-dedans. Là. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ça n'a même pas été serré. Là. Ils sont fait complètement démolés. Puis c'est ça, comme tu dis, ils ont pas joué la semaine dernière. Cette semaine, ils sont en congé parce qu'ils ont un bail. Donc, ça va être quand même au moins deux semaines de congé. Là, ça vient loin, là. Je suis un peu indécis à savoir si tu dois faire jouer tes meilleurs éléments. Mais pour ce qui est de reposer Anthony Calvillo, ça, j'ai aucun problème avec ça, par exemple. Parce qu'il est tellement important. Là, s'il se blesse, c'est pratiquement fini pour les Alouettes. OK. Et puis, il y a eu aussi la démission de Larry Smith. Oui, assez surprenant, ça aussi. Ça non plus, je sais pas trop quoi en penser, mais ça a peut-être pris un peu tout le monde par surprise, surtout à ce temps-ci de l'année. C'est ça exactement, qui se dirige vers probablement un nouveau championnat, là. Oui, c'est ça, c'est peut-être une genre décision là, qui se prend, qui s'annonce peut-être plus pendant la saison morte, là. J'ai de la misère un peu à comprendre, là. On se pose des questions aussi à savoir si ça a été... une démission forcée, ou si lui a d'autres projets qui s'en viennent, ou c'est un petit peu bizarre comment tout ça s'est organisé. Mais en même temps, Larry Smith a tellement fait beaucoup pour cette organisation depuis qu'il est arrivé à Montréal. Il faut absolument lui lever notre chapeau à lui. Sauf que, c'est ça, comme je dis, là, je sais pas s'il y avait vraiment des tensions dans la haute direction, et puis c'est peut-être une démission ou un congédiement masqué, là, ça. On va sûrement finir par savoir la vérité là, au cours des prochains mois, peut-être même des prochaines années. OK. Wow, merveilleux. Et puis, parfait. Écoute, du côté de la Ligue canadienne de football, est-ce que tu as fait pendant l'auto ou y avait-tu des trucs? Oui, ben, c'est ça. Ben, de l'autre côté, là, il va avoir l'équipe là, en pleine progression. Là, les Lions de la Colombie-Britannique, c'est l'équipe qui a fini la saison là, sur la meilleure note. Après un début de saison, je pense que c'était une victoire et puis sept défaites. Ils sont ressaisis avec sept victoires dans leurs 10 derniers matchs pour se qualifier pour les séries. Puis ils vont affronter là, les finalistes de l'an dernier, les Rough Riders de Saskatchewan. Ça va être intéressant comme demi-finale, mais quand même, je pense que peu importe l'équipe qui va gagner ce match-là, risque de perdre en finale de l'Ouest quand même contre les Stampeders de Calgary. Donc, ce sera pas facile, mais je pense vraiment qu'on va avoir une finale de la Coupe Grey là, entre les Alouettes et puis les Stampeders cette année. OK, prédiction de Vincent, parfait, quand on va s'en reparler. Et puis, côté de la NFL... Un autre grosse fin de semaine qui a eu lieu, là... bon, c'est sûr qu'il y a eu le congédiement de l'entraîneur des Cowboys de Dallas. Je pense qu'il a retenu beaucoup l'attention. Là, les Cowboys, on je sais pas si c'est leur pire départ de l'histoire, mais avec une victoire, cette défaite là pour une équipe là, qui à toutes les années se retrouve dans les meilleures équipes de la Ligue, c'est assez inconcevable. Donc, ils n'ont pas eu le choix là, de prendre une décision et puis congédier leur entraîneur en milieu de saison. Là. Il commence à être temps, il n'y a absolument rien qui fonctionne pour eux autres. Donc ça a été une des grosses nouvelles. Puis aussi, la nouvelle de Randy Moss, on ne sait plus trop ce qu'il y a avec lui, mais bon, c'est les Titans de Tennessee là, qui ont décidé de prendre une chance avec lui d'ici la fin de la saison. Donc, c'est une bonne chose, ça? Moi, je pense que oui, parce que il y a le talent qui est là, puis... On sait pas trop ce qui s'est passé, bon, quand il est arrivé avec les Vikings, ça a pas fonctionné, ils n'ont pas essayé vraiment longtemps non plus, et puis, ben, les fans de Tennessee, ils sont présentement premiers à égalité dans leur division avec les Colts, ça fait que, il y avait besoin de quelque chose peut-être pour réussir à gagner cette division-là, puis c'est peut-être qu'est-ce qui va leur permettre de le faire, là, parce que Randy Moss, bon, c'est un joueur un peu controversé de temps en autre, là, mais on peut pas nier son talent, puis il peut faire la différence, là. Dans les gros avec matchs. Un attrapé n'importe quand. Là. Donc, ça a été dans les grosses nouvelles de la fin de semaine là, pour la NFL. Puis, il y a aussi la défaite des Patriots. Ouais. Bizarre, ça aussi. Ils sont fait un peu planter par les Browns de Cleveland, une équipe que personne n'a peur des Browns d'habitude, j'imagine. Et puis, c'est ça. Ils sont fait quand même battre de façon assez convaincante. Donc, là, ça relance toute la course au championnat dans la AFC East là, avec les Jets de New York là, donc ça va être intéressant à voir là, depuis la fin de la saison. C'est sûr qu'il reste encore plusieurs semaines, mais ça vient de passer par une pitaine dans la NFL. Et ta prédiction pour du côté de la NFL? Cette année, là, ça fait longtemps que j'ai pas vu une saison de la NFL aussi bien équilibrée sérieusement. Il y a une semaine, je me dis, bon, cette équipe-là est partie pour la gloire, ils vont réussir. D'après moi, c'est les autres favoris. Bang, la semaine d'après, ils tentent contre une équipe moyenne. C'est assez difficile. Moi, d'après moi, les Steelers de Pittsburgh là, demeurent la meilleure équipe de la Ligue pour l'instant. Là, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une Ligue aussi bien équilibrée là, dans la NFL. Merveilleux. On va en profiter parce que, d'ailleurs, la NFL, ça se peut qu'il y ait un conflit pour l'année prochaine. Oui. C'est ça, fait que, bref, cette année, profitons-en. Ouais, c'est ça, fait que, là, puis, vu que c'est quand même du très bon football, il n'y a jamais d'équipe, de partie décidée à l'avance, là, donc on va en profiter, puis il reste pas mal de matchs encore, là, tout peut se décider dans les prochaines semaines. Là. Ah, cool. Hey, merci, Vincent. Écoute, on n'éternisera pas ça beaucoup ce matin, parce qu'on reçoit aussi Yann Martel du service aux étudiants qui va venir nous parler de la journée carrière en enseignement. Mais écoute, un gros merci pour vrai, puis... c'est un rendez-vous à chaque mercredi. Excellent. Fait que, ben, merci. Puis écoute, on se tient au courant pour ta prochaine chronique. OK, à la prochaine. Cool, merci. Merci. Salut. Ah, tu vois que j'étais moins présent cette fois-là avec le sport, moi. Ah ouais, tout à fait. J'aime ça. Tout à fait. Tu fais moins de Mathieu Plante, c'est toujours gagnant. Hey, ça s'est bien passé, t'as vrai, j'aime ça, cette chronique-là. Oui, c'est une très bonne chronique. Sérieusement, il fait bien ça. Un beau petit résumé, un beau petit tour. Ça met les gens au parfum. Au parfum du sport. Non, c'est très le fun pour moi. Oui. On le remercie. Fin connaisseur, oui, tout à fait. Vincent Gauthier, qui est journaliste au Journal de Québec. Donc. Comme tu disais tantôt, on va recevoir Yann Martel du service aux étudiants. Il va nous parler de la journée carrière en enseignement. C'est un autre gros sujet qu'on va aborder avec lui. Mais pour l'instant, on écoute Panache. Voici l'extrait qui va entrer sur le palmarès. En fait, qui est sur le palmarès maintenant, mais ça va être diffusé dans les palmarès C'est fou demain pour la première fois. Voici Bouvier-Bernois au 89.1. We'll be right back. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est très bien dit ça, mon info, cet assemblage requis pour encore un 25 minutes. Je n'utiliserai pas l'expression une 25aine, parce que t'aimes pas ça. Moi, j'aime bien ça. Non, moi, j'aime pas ça. Une 25aine. 25 minutes de pur bonheur, et ce, en compagnie de Yann Martel, qui est du service aux étudiants, qui va venir nous parler de la journée carrière en enseignement. Bonjour, monsieur Martel. Bon matin, bon matin. Ça va bien? Ça va très, très bien en ce beau matin ensoleillé. Oui, oui, tout à fait. Le soleil est présent aujourd'hui. Ça fait du bien. Oui. Donc, c'est ça, en fait. C'est quoi la journée carrière en enseignement? C'est un événement qui est organisé à chaque année par le service d'aide à l'emploi du service aux étudiants. C'est un événement qui s'adresse aux étudiants qui vont travailler dans le monde de l'éducation. Ça va avoir lieu le mercredi 8 décembre prochain du côté de l'Atrium à compter de 11h. Puis comme je vous disais, ça fait plusieurs années qu'on organise l'événement. Puis c'est intéressant, à chaque année, on a quand même beaucoup de visiteurs qui se présentent. Puis sur place, on va avoir 26 kiosques, des représentants de commissions scolaires de la région, de la province, mais aussi on est chanceux. À chaque année, on a des représentants des autres provinces canadiennes parce que vous savez, il y a aussi un aspect intéressant au niveau du recrutement pan-canadien pour les enseignants québécois sont très prisés du côté des provinces canadiennes. Pour l'enseignement du français, en partie? Oui, ben c'est ça, c'est qu'il y a des commissions et des regroupements scolaires francophones qui se retrouvent dans les autres provinces canadiennes. Puis c'est certain que pour eux, de recruter à travers leur province, ça devient très difficile parce que ça prend des gens qui ont une bonne connaissance du français, qui sont capables de l'enseigner, tout ça. Donc, à ce moment-là, les enseignants québécois deviennent très, très, très intéressants pour eux. Puis c'est pour ça qu'on a des représentants de ces commissions et de ces regroupements scolaires-là à chaque année. Puis ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a vraiment des gens de chacune des provinces. À partir de l'ouest du Québec, là, il y a des gens de chacune des provinces qui vont être sur place. Ça, c'est très cool, ça. Ça va être très intéressant pour les étudiants qui ont le goût de vivre des expériences, d'aller travailler à l'extérieur, tout ça. Ça peut être vraiment intéressant de venir chercher l'information. Les étudiants peuvent aussi, d'ailleurs, aller se former un peu là-bas, si on veut, dans le sens entreprendre quelques années et puis revenir aussi enseigner ici. Au niveau de l'expérience, oui, ça peut être très intéressant. C'est certain qu'il y a une réalité pour ces gens-là. Notamment, je parle à chaque année avec les gens de la région de Toronto. Ils ont beaucoup de difficultés au niveau de la rétention, justement, parce que les gens, souvent les enseignants du Québec vont faire exactement ce que vous venez de dire. Okay. Ils vont aller chercher une expérience, mais souvent, bon, après quelques années, s'installe une petite période d'ennui de la famille, des amis, tout ça, amis, et ils sont de retour. Loin. Alors, ils essaient de mettre des choses en place pour garder les gens vraiment bien installés dans ces régions. Là, c'est certain qu'ils ont toute une campagne de charme. Là. Ils essayent autant que possible de trouver un jeune couple de professionnels qui débutent dans la vie, de leur mettre ça beau, la région, tout ça. Mais c'est leur réalité. C'est pour ça qu'ils viennent aussi au-delà de venir recruter. C'est de venir parler de la réalité de leur région aussi à ce moment-là. Okay. Et puis la journée carrière en enseignement, exemple que moi, je ne suis pas en enseignement, est-ce que je peux y aller? Est-ce que ça va m'intéresser aussi ou... C'est certain que les gens qui sont là, a priori, veulent rencontrer des futurs enseignants, mais aussi des futurs professionnels qui peuvent travailler dans les milieux scolaires. Donc, on peut penser aux psychologues, aux psychoéducateurs. C'est certain qu'au point de départ, c'est ces personnes-là qui s'attendent à rencontrer lors de la journée carrière en enseignement. Par contre, peut-être que certains étudiants en administration, gestion des ressources humaines, finances, des choses comme ça, peuvent venir faire leur tour, mais je ne peux pas leur garantir qu'ils vont avoir nécessairement une bonne écoute. Oui, les gens vont les écouter, vont les rencontrer, mais dans le sens que ce n'est pas ces personnes-là, a priori, que les gens viennent rencontrer. Donc, peut-être qu'il va y avoir des possibilités, mais peut-être que les gens sur place vont être un peu surpris de rencontrer aussi ces étudiants-là. Donc, ça va peut-être les déstabiliser quelques secondes, mais quand même, les autres étudiants des autres programmes sont bienvenus. Mais c'est certain que, par contre, pour des gens qui sont dans des programmes moins reliés au domaine de l'éducation, ça peut être un peu moins intéressant à ce moment-là. Ils viennent me passer un flash en tête aussi. Ça peut être intéressant pour les étudiants en loisirs, culture, tourisme, ceux qui veulent se profiler pour animateurs de vie scolaire, des choses comme ça. Ça peut être une journée intéressante pour eux aussi. Tout à fait, parce que les écoles francophones, ça existe partout, en fait. Là. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, comme je vous disais, on a beaucoup de représentants de la province aussi. Oui, on a des gens des régions. On a les gens de la commission scolaire Chemin du Roi qui vont être sur place, la riveraine sur la rive sud. Mais il y a aussi des gens de d'autres régions du Québec qui ont aussi des besoins au niveau du recrutement. Donc, les effectifs en milieu scolaire vieillissent. Il y a un mouvement qui se fait jusqu'en 2013 là, de changement de garde. Donc, c'est certain qu'il y a des besoins qui sont là pour les commissions scolaires. Le taux de placement est bon, j'imagine? Dans le domaine de l'enseignement, en ce moment, c'est très, très bon. Là, je jasais avec le responsable, un des responsables de programme, justement, dans un des programmes des sciences de l'éducation. Puis, il me disait justement que lui, c'était très, très, très différent de sa réalité quand lui a intégré le marché du travail dans les années 80, là, où les portes étaient très, très, très fermées. Dans ce moment-ci, là, justement, il y a une bonne ouverture. Les gens sont sollicités. Puis, on voit beaucoup de publicité au niveau des syndicats, des différents syndicats au niveau scolaire qui disent justement, on a besoin d'enseignement, on a besoin de relève, on a besoin de force fraîche pour venir prendre la relève de la garde, finalement. OK, mais c'est le fun pour les étudiants, ça. C'est très, très, très intéressant. Motivant. Exactement. Puis c'est une excellente journée. Souvent, les étudiants, l'attente qu'ils vont avoir d'événements comme les journées carrières, comme celle de la journée carrière à l'enseignement, ils vont arriver avec les CV. C'est excellent. Il faut toujours amener nos curriculums vitae. OK, tout le temps. Tout le temps, oui. Parce que c'est notre carte de visite. Puis si on veut que les gens qu'on rencontre se rappellent de nous, il faut toujours amener notre curriculum vitae. Mais par contre, l'attente va peut-être être de « je vais me trouver un emploi cette journée-là ». Mais là, il faut prendre conscience que les gens ne sont pas là pour passer des entrevues non plus. Ouais. Alors, ce qui est intéressant pour les visiteurs, c'est de bien prendre en note le nom de la personne avec qui ils ont échangé. Okay. Parce que ça devient un contact très intéressant pour poursuivre les démarches par la suite. Donc, il faut voir ça comme une opportunité de rencontrer des gens collés sur le domaine de l'enseignement, justement des gens très intéressants qui sont bien positionnés pour les recruter, mais pas la journée même. Donc, il ne faut pas avoir l'attente de dire « je vais aller à la journée carrière en enseignement, je vais me trouver un job cette journée-là, ça va être réglé ». Non, c'est une première étape vers l'intégration au marché du travail. Tu fais bien le spécifier. Et puis, pour les entrevues, après ça, j'imagine comment ça se déroule. Exemple que j'ai rencontré une personne, comme tu disais tantôt, de Toronto. Mm-hmm. Et puis, pour l'entrevue, ça se passe par téléphone ou les personnes se déplacent une fois que le candidat est intéressant? C'est certain qu'à ce moment-là, pour les commissions scolaires et les regroupements scolaires qui sont de l'extérieur du Québec, c'est un peu différent comme concept. Parce que là, c'est certain que là, il y a la réalité géographique, tout ça. Mais ce qu'on fait lors de la journée carrière en enseignant, c'est qu'on met des locaux quand même à leur disposition. Okay. Pour avoir une première entrevue. Donc, il faut faire attention. Là, je vais paraître paradoxal dans ce que je dis. Là. Puis là, j'ai dit, il ne faut pas s'attendre à trouver une journée, mais il n'y a pas d'entrevue. Ah, ben oui, finalement, il y en a. Mais c'est certain que pour les gens des commissions scolaires qui sont de l'extérieur, on met ce service-là en place et qu'on leur offre des locaux pour rencontrer des candidats vraiment intéressants pour faire une première entrevue. Donc, pour être certain que si cette personne-là est vraiment intéressée, ben on peut aller plus loin dans le processus, peut-être inviter la personne à un séjour pour venir visiter la région, voir un peu ce qu'il y en est, parler des possibilités, tout ça. Donc, il y a une première approche qui peut être faite pour les gens de l'extérieur. C'est ça, mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'on aille là. C'est sûr qu'on va avoir une entrevue, ce truc-là, non? Non, c'est certain. Habituellement, les gens arrivent là, les représentants des commissions, des regroupements scolaires, à la recherche d'un profil particulier. Là. Souvent, il y a des pénuries dans certains domaines et idéalement, ils aiment rencontrer des candidats de ce programme-là. Là, mais il doit y avoir aussi la personnalité qui concorde avec les valeurs, tout ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir nécessairement une entrevue, mais ça peut arriver qu'on dise « Ah, j'aimerais ça te rencontrer plus longtemps. On peut-tu prendre une demi-heure ensemble, échanger? » Ah, okay, c'est très cool, ça. Oui, c'est très intéressant à ce moment-là. Ah, wow, formidable. Et puis, rappelle-nous la date, le 8 décembre? Exactement. Mercredi, le 8 décembre prochain, du côté de l'Atrium Paul-Émile Bordua, les portes vont ouvrir à compter de 11h et ce, jusqu'à 16h. Pour toutes les informations, les gens peuvent se diriger sur notre site Internet au www.uqtr.ca/emploi. Puis, pour les étudiants, bien sûr, ils vont dans la section étudiants et là, il y a toutes les informations sur la journée carrière d'enseignement. Puis, on a aussi la liste des organisations qui vont être sur place. Qui vont venir nous visiter. OK. Et puis, pas besoin d'inscription, ça coûte rien? Pas besoin d'inscription, c'est tout à fait gratuit. Les gens sont bienvenus. À l'entrée, il va y avoir des gens pour les accueillir qui vont leur remettre un plan, justement, de l'emplacement des kiosques avec le nom des gens qui vont être sur place. Donc, ils vont pouvoir se diriger vers là où sont leurs intérêts, finalement. Formidable. Et puis, on amène notre CV. Curriculum vitae, notre plus beau sourire et on est dynamique et de bonne humeur cette journée-là. Et puis, on parle français. Et on parle français, bien sûr. C'est ça, merveilleux. Hey, merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses à mentionner à ce niveau-là? Ça fait le tour de la question. Merveilleux. Et puis, nous, en fait, on t'offre aussi le studio porte ouverte. Donc, ça va me faire plaisir de venir vous reparler de tout ce qui se passe côté recrutement. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos finissants. Oui, tout à fait. En fait, ils sont là pour ça. En fait, on est ici pour apprendre. Et puis, idéalement, c'est de se placer par après. Donc, merci beaucoup, M. Martel. Ça me fait un très grand plaisir. Yann Martel, du service aux étudiants de l'UQTR. On rappelle donc mercredi 8 décembre à 11h à l'Atrium Paul-Émile Bordua, ici même à l'UQTR. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Tout à l'heure, on va se faire un petit segment, un bloc, une parcelle d'émission de chiolage, mais un petit peu. Encore. Mais à la Mathieu Plante. À la Mathieu Plante. On sait ce que ça veut dire, à la Mathieu Plante. C'est un peu n'importe quoi. Est-ce que je peux rester à ce moment-là? OK, OK. Tu as peut-être aimé mon sujet. Ça parle de choses assez design. Pour l'instant, Yesayer Mondegreen. Assez fou. 89 FM. Tes ciseaux, t'as essayé de couper ton toupette toi-même avec tes propres ciseaux, là. Ce matin, je me suis fait ça. T'as du talent quand même, parce que ça paraît pas, moi. Non, mais l'idée, c'était ça aussi. L'idée, c'était que ça paraît J'espère, pas. J'espère, ouais. T'arrives, puis c'est comme en diagonale, c'est pas... Ouais, mais je sais pas, j'ai quand même un complexe avec mes cheveux. Je sais pas. T'as T'es comme le contraire de moi, parce que moi, sérieusement, je peux passer genre 4-5 mois sans me couper les cheveux, puis je m'en fous. C'est comme ouais. ça pousse ses lettres au bout. Mais ouais, ouais, ouais. Mais la différence ouais. entre moi et toi, Mathieu, c'est que toi, dans une couple d'années, tu vas en avoir encore. Non, mais fait que j'essaie d'en profiter. Ouais, j'avoue, hein, t'as un complexe pas mal à cause de ça, je pense. Ah, ils s'en vont. Ouais. Ils s'en vont, puis je leur ai pas dit de s'en aller. Non, c'est ça, ils sont pas fins. Non. C'est comme un invité. Bref, un invité qui quitte de façon ouais. abrupte. Tout à fait. À l'Halloween. À l'Halloween. Donc, Mathieu, je pense que t'as le goût de chialer. Ouais, parce que là, à un moment donné, dans la vie, François, soyons honnêtes, là, t'sais, soyons francs, honnêtes et virils, comme on l'est toujours. Il y a des affaires dans la vie. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite comme t'as pas joué. Soit qu'il fait trop frais. T'sais, c'est comme j'avais mes propres choristes en passant. Mais tu sais, il y a tout le temps de quoi. Puis à matin, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'étais sur la route dans l'automobile, la voiture. Ouais. Je passe tout le temps devant. Ça fait des années que je pense, puis ça me rend fou. Mais là, il fallait que j'en parle. Sur les pancartes, tu sais, t'arrives, je suis ameublement tangué. Ok, t'as ameublement tangué. T'as des pancartes, ok, ça dit bon ameublement tangué, puis ça dit bon mettons, tu sais, matelas, je sais dessus, électroménager. Puis là, il y a le mot mettons électroménager, ok, il est trop long, ok. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils squeeze la police, tu sais. Ils amincissent les lettres, ils sont tout pognés ensemble. Mais ils font juste sur ce mot-là. Qui c'est qui a pensé à ça? Un designer ferait jamais ça. À la limite, t'es squeeze toute la gang pour qu'ils soient tous pareils. Comme mais ça, le matelas, il est squeezé. Puis ou tu changes ta police ou tu changes la grosseur de police. Mais la dimension des mots, est-ce qu'ils sont tous pareils? Ben, genre, peut-être. Peut-être que c'est ça qu'ils voulaient faire. Peut-être que c'était pour rendre les mots de la même largeur. Mais il a l'air fou, il est tout squeezé, il est tout pogné. Tu fais pas ça. C'est comme à Kruger, OK? La Kruger, OK? T'as des certifications, bon, mettons, c'est ISO 9001. Ouais. Bon. Ouais. Mais il y en a un qui est plus long que les autres. Mettons, c'est 12982, mettons, son ISO. Fait que le 12982, il est tout squeezé, il a l'air tout fou, il a l'air tout pogné. Hey, écrivez donc tout dans la même police pour que ça fit, tu sais, au pire, tu sais. Ouais. Ça m'énerve, je trouve ça laid. Design, il faut l'œil du détail. L'attention au détail pour un designer est non présent, inexistante, là. Un peu ça. Hey, j'avais un autre sujet. Pour chialer, là, tout est pour chialer. Dans un magasin grande surface qu'on commencera pas à nommer, tu sais, t'as. Mettons, on va l'appeler la marque maison. Mettons qu'on va l'appeler Surge. Pour pas dire le vrai mot. Mettons, tu vois un peu où je m'en vais avec ça. Mettons Surge. Écrit avec des grosses lettres puis un petit point jaune, là, comme chez au magasin. Surge. George. Ah, OK. Surge, mettons Surge, on va dire Surge. Partout, c'est marqué, mettons, Surge femme. OK. L'autre côté, c'est marqué Surge pour jeune fille, mettons. Non, mais justement, oui, enfant peut-être. Mais il y en a un qui c'est Surge. J'allais dire l'autre mot. Surge baby. T'sais, mais les autres, c'est femme, enfant, garçon. Choisis ta langue, man. Il y a une guerre en Irak en ce moment. Choisis ton bord. T'es-tu en anglais ou t'es-tu en français? Femme, baby. OK. C'est soit femme et bébé, ou bien baby et lady. Ouais. Choisis ta langue, ouais, genre. Ouais, Surge. Surge. Ah. Ben, vois-tu, j'ai pas remarqué ça. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais dans le département des bébés? Bon, je le voyais de loin. À partir des souliers, tu vois très bien la section baby. Okay. Là, faut l'appeler baby parce que c'est en anglais. Ça me rappelle. Ça m'amène sur un autre sujet, Charlie. Tu sais, quand tu vas dans ce magasin grande surface qu'on n'aimera pas, tu sais pourquoi que la liqueur est après les caisses? Hein? Hein? Ça, c'est niaiseux. Sérieusement, mais ça, moi, je veux mon Coke Diet à la lime. Hein? Faut que je me rappelle d'aller au-delà des caisses, la chercher ça, sans me faire pogner, puis après ça, revenir à la caisse. Ça, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Ouais. Ça, c'est niaiseux. Derrière les caisses, il n'y a rien. Non. On s'entend, là. Il y a du chocolat. Du chocolat, si t'en veux, il y en a. Mais moi, si je veux du chocolat, je veux aussi de la liqueur. Mais mettez-le en avant des caisses. Ben oui. Parce que une fois que t'as passé les caisses, là, c'est fini, là. C'est fini. Too late. Y en a pas. Tu sais, ils veulent te vendre du papier de toilette, ça, mettons, à la sortie. Non, mettez-le à l'entrée. Ça, c'est vrai. Question design. L'attention au détail, François. Ça, c'est vrai. Ça, moi aussi. Ça, c'est... Ouais. Quand t'as acheté de quoi, puis après ça, tu vois de quoi, il faut que tu refasses ça fait. Non. Non, inacceptable. Non, tu l'achètes tout simplement pas. C'est ça. Non, ça valait la peine, Mathieu. Ah ouais? Ouais. D'habitude, c'est pas supposé valoir la peine, par exemple. Mais bon, peut-être que celle-là. Non. Ça, ben, je me suis reconnu dans ton dernier. Parce que les autres, j'ai pas vraiment porté attention à ça. Là. Non. Squeezage de police, normalement. Non, j'en ai pas. Sérieux. Mettons. Fait que c'est ça. Ouais. un beau. Moi, ça valait la peine d'être dit, puis là, je me sens mieux. T'sais. Bon, ben écoute, ça, hein? Si ça servait à ça. OK. Faut bien que ça serve à quelque chose, hein? Ouais, ouais. Exactement. Bon, Mathieu, écoute, à 8h54, notre émission tire à sa fin. Étrangement, on est proche de la fin. Là. C'est, on vous achève avec cette chronique on de Charles. On achève. Oh boy. Oh boy. Come on. OK, donne-moi de la musique, on s'en va entendre ça, puis après ça, on vient, puis on conclut cette émission. Qu'est-ce que tu dirais d'entendre une pièce que j'ai entendue hier dans l'émission On se la joue? Ah oui, l'émission On se la joue avec Roxane Gagnon et Marie-Michel Dupuis. Mamiche. Oui, exactement. Gaslight Anthem. On pourrait faire jouer, nous, la huitième qui est Hold On. Est-ce que t'as besoin de lunettes? Ouais, tout à fait. Je pense que oui. Ah, c'est l'enfer. Ouais. Il est là, puis il plisse les yeux. Ah ouais. Mais squeezé tout pareil. Au moins, tes deux yeux sont squeezés pareil quand tu fermes tes yeux. Gaslight Anthem avec la pièce Old Haunts à Assemblage Requis. Et c'est la fin pas mal de l'émission pour aujourd'hui. Hein. On va se retrouver demain, nous, à partir de 7h à Assemblage Requis. Pour la dernière de la semaine. Oui, on aime ça, la dernière de la semaine. C'est toujours pas mal le fun après ça de faire comme bon. Ben, c'est un peu plus tard. Donc, demain, en fait, on va recevoir Simon Fitzbay. Oui, avec Phénomène. Phénomène, tout à fait. Il va continuer son histoire des Beatles demain. Et puis, oui, tout à fait. Tout le mois de novembre. Oui, tout le mois de novembre. Et puis, on reçoit aussi le cousin de Maxime Landry. Moi, mais il dit que non, là, mais en tout cas, moi, je suis pas sûr. J'attends les preuves. J'attends à me démentir beaucoup, hein. Fait que ouais. C'est peut-être. Ça cache quelque chose d'assez louche. Donc, François Landry dans sa chronique Logocratie 101 demain matin. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Ben, c'est un fait, évidemment. Restez sur nos ondes parce qu'aujourd'hui, plus tard dans la journée, il va y avoir Connaître ensemble à partir de 10h, l'émission qui parle de périnatalité. Puis, il y a le dîner de cons à 11h. Et puis, les betteraves hurlantes en rappel à partir de 13h. Une belle journée. En soirée, volte-face avec du rap. Et puis, il y a une nouvelle. Il y a Rap Contact qui commence. Rap Contact avec DJ Lane. À 15h. Et on doit se quitter. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. On vous souhaite une excellente journée. Et, bonne journée. À demain. À demain. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.